t'aimes ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Yeah. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Bienvenue à tous les étrangers qui connaissent pas de danger, qui connaissent pas le ghetto. Non familier, ils sont pas milliers à se faire humilier par cette sale ispo. Trop de PD qui palissent trop. Trop notre nous à stage au bistrot. Trop de mecs qui pleurent sur leur sort. Sans même temps te faire un effort. Et t'as même les yeux d'être rats. Au contraire, le joke de Fokra. À la quoi, à la quoi, à la quoi, à la quoi. Ici ne sois pas une petite chatte. Petit PD ou bambo clap. Quand on tape, tu l'oublies, hop. Va te faire foutre si t'en n'es pas donné. Ma donnée ne vie, ne vie pour me mener. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Yeah. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Yeah. Tu faut faire va te sonner. Car jamais tu ne devineras combien j'ai sonné. Bien qu'on se piffe, hein, honey. Tu ne connais déjà, fais pas l'étonner. Get your string et down, honey. Viens donc tester ma folie. Choco blend et all for you. Et donne une kiff que les sales for you. L'ambiance est trop exhaustive. Cette salope est trop émotive. Moi la table c'est mon. On est motif, il n'y a que ça qui motive. J'arrive donc à Mike armé. Vénère comme un sac armé. Bon la foire, il est temps de l'entamer. Tout mes temps, les temps de les acclamer. Give me what? Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. C'est ça, que tu triches sur tes gros sons tarés. Claque tout tes français et phares. Si t'es pauvre et si tu es riche, claque tout tes putains de dollars. Non, ne joue pas trop les fortiches. J'suis avec tous mes tonnerres. Quoi tu fasses pour tuer ça dans ta mine. Pour éviter les coups barami. Qui se ramène sec, on le lami. Il n'y a pas que des choses que j'anime. Bam, bam, ça va. Mon style est bam, bam. Face à moi, beaucoup d'enculés d'MC qui sort du placard. Comme une merde. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Ennemi on the street. 18 ce soir c'est le district. Si tu aimes faut voir si tu tripes. L'ambiance est trop exhaustive. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi